verdade. Bonsoir, je vais procéder. Bonsoir, je vais procéder. Je vais procéder à l'appel nominal. Denis Di Martino présent. Cédric Pape présent. Cédric Pape. Elam Chahir est là. Édouard de Noël. Édouard de Noël. Émilie Trigo. Vincent Doucissé. John Gibiro. Hissène Ounissi. Yasmina Sadoud. Choki Haddad a donné pouvoir à Yasmina Sadoud. Edith Félix. Brahim Akrour. Merlan Georges. Grégoire de la Gannerie. Anne Gerval, Brigitte Delaperelle, Daouda Keïta, Jean-Claude Oliva, Valérie Bille, Yalana Dino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin a donné pouvoir, Édouard de Noël, Mariem Diop, Caline Tribic m'a donné pouvoir, Amit Chahir est là, Mamadou Sylla a donné pouvoir, Émilie Trigo, Manon Chrétien, Zora Kelly, Mona Bellil, Jules Raguenaud, Sébastien Gricourt, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens, Pierre Vionnet a donné pouvoir à Mohamed Jenan, Laurent Jamet, Angéline Desbordes-Silly, Claire Laurence a donné pouvoir à Sébastien Stalens et Solène Le Bourris. Donc le premier point de l'ordre du jour concerne notre désignation des délégués et délégués suppléants du Conseil municipal pour les élections sénatoriales du mois de septembre. Donc, conformément au décret numéro 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, nous serons amenés à procéder au renouvellement des mandats des sénateurs dans notre département le dimanche 24 septembre. Si tous les conseillers municipaux sont délégués de droit pour cette élection sénatoriale, nous devons préalablement, lors de cette séance, procéder à la désignation des délégués supplémentaires et suppléants du conseil municipal. Le bureau électoral doit être mis en place. Il est présidé par le maire qui a ouvert la séance. Je propose de désigner en qualité de secrétaire les plus jeunes. Elle est plus âgée. Donc je propose de désigner Brigitte Delaperelle, Daouda Keïta, Yasmina Sadoud et Zora Kelly, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Pour l'élection des délégués, le vote se fait sans débat au scrutin secret. Un isoloir est mis à la disposition des élus qui souhaitent s'en servir, Madame Le Bourris. En vertu des articles L289 et R133 du Code électoral, les délégués supplémentaires et leurs suppléants sont élus sur la même liste à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, c'est-à-dire sur une seule liste, sans adjonction ni radiation de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Je vous rappelle enfin que dans les communes de 30 000 habitants et plus, où tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, il est procédé à l'élection des délégués supplémentaires et de suppléants en fonction de la population de la commune. Ceux-ci sont élus parmi les électeurs de notre ville, en vertu des articles L284 et L286 du Code électoral. Nous allons donc procéder à la désignation de 10 délégués supplémentaires et 12 délégués suppléants. Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant tant de noms qu'il y a de délégués supplémentaires et de suppléants, soit sur une liste incomplète. Toutefois, chaque liste de candidats en fonction de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. À Bagnolet, j'ai constaté que 2 listes de candidats ont été déposées. Il s'agit de la liste de la majorité municipale et de la liste Ensemble pour Bagnolet. Avant de procéder au vote, je vous informe que les personnes élues seront contactées par l'administration soit dès ce soir s'ils sont présents. Je les invite d'ailleurs à se manifester à la fin de la séance, soit par courrier recommandé dès demain. Pour rappel, ils ne disposeront que de 24 heures pour y répondre. Vous avez devant vous les bulletins et une enveloppe dans laquelle vous insérez le bulletin de vote. Chaque conseiller municipal va être invité à se déplacer dans l'isoloir pour préparer son vote, puis à mettre son enveloppe dans l'urne placée devant moi. Le scrutin peut commencer. Et je vais procéder à l'appel de chaque conseiller municipal et je vais inviter les membres du bureau à s'installer à proximité de l'urne. Allez, là. Alors, pour précision, on met un seul bulletin dans l'enveloppe. Je plaisante pas. La liste est remise sur le bureau, elle est sur la table. Vous avez deux listes, la liste de la majorité et la liste ensemble pour Bagnolet. Voilà. Les listes sont sous votre nez. Donc, Tony Di Martino. Cédric Pape. Elham Chahir. Édouard de Nouël. Émilie Trigaud. Vassindou Cissé. Jonji Biro. Yasmina Sadoud. Deux fois Yasmina Choki Haddad. Ouais. Edith Félix. Brahim Akour. Merlehane Georges. Grégoire de la Gannerie. Hissène Ounissi, je t'ai oublié, pardon. C'est pas bien. Vas-y, vas-y. Anne Gerval. Brigitte de la Perelle. Brigitte de la Perelle. Daouda Keïta. Jean-Claude Oliva. Valérie Bille. Yalana Dino. Abdelkrim Karmaoui. Anne de Rugy. Frédéric Gabin. Mariam Diop. Kaline Tribic. Amis de chair. Mamadou Sylla. Manon Chrétien. Zora Kelly. Mohamed Jenan. Sébastien Stalens. Vas-y, il fallait deux. Ouais. Non, il est à la fin. Sébastien. Donc, tu votes pour Pierre Vionnet. Vas-y. Sébastien Stalens. Il vote deux fois. Très bien. Qui vote également pour Claire Laurence. Laurent Jamais. Angeline Desbordes-Silly. Solène Le Bourris. Mona Bellil. Jules Raguenaud. Et Sébastien Gricourt. Je vais demander aux membres du bureau de venir procéder au dépouillement.

Alors, nombre de votants, 39. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de votes blancs, 1. Nombre de suffrages exprimés, 38. Majorité municipale, 31. Mandat de délégué supplémentaire, 8. Mandat de délégué suppléant, 10. Liste ensemble pour Bagnolet, 7 suffrages. Mandat de délégué supplémentaire, 2. Mandat de délégué suppléant, 2. Je vais demander maintenant à chaque conseiller municipal de bien vouloir se déplacer un par un afin de signer la déclaration de choix qui est annexée au procès verbal des opérations de vote ainsi que la feuille de présence. C'est-à-dire, en gros, on désigne le choix de la liste. Voilà. Juste une question, parce que tout à l'heure vous avez évoqué le fait que les délégués supplémentaires seront appelés ce soir, c'est ça ? Ouais. Ce soir ou demain ? Dans les 24 heures. Lundi, quoi. Lundi. Ouais, d'accord. D'accord, ok. Et donc, ils devront lundi, donc, si... voilà. 24 heures à partir du moment où ils auront été appelés, où ils recevront d'accord. l'appel. Ils auront 24 heures pour se manifester. Ok, très bien. D'accord. Alors, Tony Di Martino... Trois exemplaires, vous émargez et vous inscrivez la liste Monsieur le maire, sur laquelle on pioche et pour le suppléant. Et pour les suppléants, vous n'avez pas annoncé le nombre de délégués pour les suppléants. 10 délégués suppléants pour la majorité municipale, 2 délégués suppléants pour ensemble pour Bagnolet. Elham Chahir. Édouard de Noël. Émilie Trigot. Vincent Doux, si c'est. Ouais, c'est sûr que c'est facile. Je suis là. Peut-être que Jules, c'est absolument Julien. On y a pensé. C'est pas moi non plus. Jonji Biro. Issen Ounissi. Yasmina Sadoud. Et Shoki Haddad. Edith Félix. Brahim Akrour. C'est pas lui qui a voté, mais la tête de Carlin. On a une touche à part. On a une touche en 700. Ça s'est monté à 850. Si on est à 850, on sort à 0. Merlehan. Grégoire de la Gannerie. S'il avait déposé sa liste. Eh bien, s'il avait vous voyez qu'il y en a 4 qui votent pour 8 qui votent pour 8. 4, 4, 4, 4. Hop, c'est leur micro. Anne Gerval, Brigitte de la Perelle. Brigitte de la Perelle. Daouda Keïta. Jean-Claude Oliva. Valérie Bille. Yalana Dino. Abdelkrim Karmaoui. Anne de Rugy. Manon est persuadée que... Elle est persuadée, Manon, qu'elle a changé ce qu'elle avait dans l'enveloppe. Moi, je l'ai vu aller à son sac. Moi aussi, mais... Frédéric Gabin. Mariem Diop. Caline Tribic. Amit Cher. Je l'appelle quand même. On va voir s'il est dans le coin. Mamadou Sylla. Manon Chrétien. Zora Kelly. Mohamed Jenan. Sébastien Stalins. Pierre Vionnet. Laurent Jamais. Angeline Desbordes-Silly. Solène Le Bourris. Mona Bellil, s'il vous plaît. Jules Ragnaud. Sébastien Gricourt. Chers collègues, je vous propose de poursuivre l'ordre du jour du Conseil municipal. Délibération suivante, approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 9 mai. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques ? Pas d'observations, pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante, désignation au sein de la Commission municipale financée, moyens généraux, remplacement d'un membre. Nous proposons de désigner Jules Raguenaud pour, à sa surprise générale, pour siéger au sein de cette commission. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Rapport numéro 4, commission spéciale de nomination d'un déontologue, remplacement d'un membre. Propose de désigner Cédric Pape. Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. J'ai une question sur cette délibération. Madame Desbordes-Sili. Contrairement aux autres délibérations, il n'y a pas la liste des membres qui figurent dans cette commission. Qui siège dans cette commission ? Ceux qu'on a désignés antérieurement, puisque là, on remplace un membre. Oui, mais sur la précédente, il y a la liste des membres, mais là, c'est vide. On va vous la communiquer avec le PV. Merci bien. Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Commission municipale d'attribution des subventions aux associations, remplacement d'un membre. Proposé de désigner Cédric Pape. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Commission communale des impôts directs locaux, remplacement d'un membre. Proposé de désigner Cédric Pape. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est ce que j'ai. Rapport 7. Un suppléant à la CLECT d'Est Ensemble. Proposé, désigner Cédric Pape, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Un suppléant à la CLECT de la Métropole du Grand Paris. Proposé de désigner Cédric Pape, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Rapport numéro 9, convention d'accueil des bénévoles, collaborateurs occasionnels du service public au sein de la collectivité. Donc il s'agit de se couvrir lorsque nous accueillons des bénévoles, notamment dans les centres de quartier. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observations ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, contrat d'apprentissage au sein de la direction de la santé et PMI. Voilà, nous allons accueillir un apprenti. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 11. Modification de la délibération du 25 mai 2022 créant des emplois permanents et autorisant le recrutement d'agents contractuels dans le cas d'absence de cadre d'emploi de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes à la direction de la santé. En fait, il s'agit de modifier la délibération concernant les quotas d'heures des professionnels de santé au sein du CMS. Il y a des observations ? Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération suivante, agent polyvalent d'entretien de la voie publique, autorisation de recrutement d'agents contractuels sur la base de l'article L332-8 du CGCT. Est-ce qu'il y a des observations, Monsieur Jamais ? Juste peut-être juste une question, mais c'est vrai que effectivement, dans la fonction publique, on préfère évidemment faire appel à des agents titulaires. Donc, et c'est vrai que c'est une question qui n'a pas, à mon sens, été posée en commission, mais pourquoi on fait appel ici sur des postes qui, traditionnellement, peuvent faire appel à des fonctionnaires et, pourquoi on fait appel à des emplois contractuels ? C'est des cantonniers, là, en l'occurrence. Et encore, pour les postes de cantonnier, c'est souvent des recrutements de contractuels et qui intègrent à moyen, long terme la fonction publique. Et en l'occurrence, on a des agents de nationalité étrangère parmi les cantonniers. Je m'attendais à cette réponse, effectivement. Ah. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, animateur d'accueil et de loisirs, autorisation de recrutement d'agents contractuels. Donc, cette délibération nous permet de recruter les saisonniers pour cet été. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 14, mise à jour du tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Les deux délibérations suivantes, 15 et 16, concernent des accidents de voirie, chers à M. Vionnet. Donc, rapport numéro 15, c'est un protocole transactionnel concernant Mme Dubois. Oui, parce qu'il nous fait la remarque tout le temps, à juste titre. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce protocole, M. Jamais ? Oui, bon, on va faire les deux concernant Mme Dubois, Christine et Mme Renoux, Madine, qui est la suivante. Non, c'est vrai que vous aviez dit en commission que j'interviendrais sur ce sujet, donc il fallait bien que j'intervienne. On intervient effectivement régulièrement. On va voter pour, évidemment, que ces gens soient indemnisés, que ce soit Mme Dubois et que Mme Chamandine Renoux. Monsieur, pardon, oui, effectivement. Oui, c'est vrai que on a quand même cette malheureuse tradition au conseil municipal d'avoir des protocoles transactionnels, soit effectivement de machines qui sont effectivement défectueuses. On a eu par exemple pendant des mois et des mois une débroussailleuse qui causait des soucis aux bagnoletais. On a effectivement des trous dans la voirie, ce qui est la note suivante. Et on a là un ralentisseur défectueux rue de Noisy-le-Sec. Voilà, bon, c'est sûr qu'on souhaite que, évidemment, ces gens soient indemnisés. Et donc, on votera pour. Mais enfin, quand même, on attire l'attention sur le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de protocoles d'accords transactionnels au sein de ce conseil municipal. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Pas d'autres remarques ? Donc, qui est pour la délibération concernant Mme Dubois ? Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. La délibération concernant M. Renoux, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Le rapport 17, l'accord cadre de location de minibus, d'autocars, de prestations de transport de personnes pour les besoins de la ville de Bagnolet. Donc, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 7 juin dernier et il est proposé d'attribuer à la société Autocar Marie le lot numéro 2, location d'autocar sans chauffeur, et à la société Autocar Suzanne le lot numéro 3, transport de personnes en Île-de-France avec chauffeur. Les deux autres lots sont infructueux. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observation. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Rapport numéro 18, plan vélo de la ville de Bagnolet. Édite. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Donc, c'est un moment un peu solennel que cette présentation tant attendue du plan vélo de Bagnolet. Tout d'abord, je souhaite rappeler que cette délibération concerne tout le monde et pas seulement les cyclistes. En effet, la transition des modes de déplacement bénéficie à l'ensemble des membres de la collectivité. D'abord, pour des raisons de santé, les seuils de pollution prescrits par l'Organisation mondiale de la santé sont dépassés largement autour de nos autoroutes urbaines et en l'occurrence de l'échangeur de Bagnolet. Les mobilités actives offrent une alternative non polluante. Pour des raisons d'écologie, cette tendance s'inscrit dans un contexte de crise climatique et la nécessité d'une transition vers des mobilités plus sobres en énergie. Pour des raisons d'efficacité, dans les métropoles aux voies sursaturées, la réduction de taille des engins de mobilité est une réponse adaptée. Là où circule une automobile, avec le plus souvent une seule personne à bord, 10 vélos circulent. Et pour un choix de société, enfin, alors que la voiture isole de facto dans une bulle privée, rouler à vélo, c'est croiser le regard des autres, saluer les amis qu'on voit dans les cafés, c'est faire société. D'autres raisons incitent celles et ceux qui le peuvent à adopter le vélo, pour des raisons d'économie. Les usagers l'ont saisi, la voiture individuelle n'est pas la solution préférable dans un contexte de forte hausse des prix du carburant, de saturation des circulations qui rallongent les journées de travail et obligent à organiser la garde des enfants. Et dans nos rues, le trafic routier est en baisse, continue depuis plus de 15 ans. Pour les petits itinéraires en ville, le temps de parcours à vélo est souvent inférieur par rapport à la voiture. La circulation à cycle est plus fluide. Et enfin, pour des raisons d'opportunité, les habitants et habitantes de Bagnolet sont peu motorisés et extrêmement utilisateurs et dépendants des lignes de bus. La crise Covid, avec une réduction de la fréquence des lignes, a montré des limites au contrat entre l'autorité organisatrice des transports et l'usager. Certains usagers préfèrent désormais être autonomes et construire un itinéraire multimodal en utilisant le vélo pour rejoindre un autre pôle de mobilité de transport lourd ferré. Donc après cet important préambule sur les raisons d'être d'un plan vélo qui fonde son intérêt général, il faut souligner qu'il repose dès sa conception sur la participation du plus grand nombre. Je dois saluer les individus, les associations et les professionnels qui se sont investis et s'investissent toujours pour faciliter l'accès au vélo et aux mobilités actives. Ces acteurs ont été pour beaucoup une grande ressource pour élaborer ce plan vélo au travers du comité Vélo Mobilité Douce, accessible à toutes et à tous, tous les usagers des mobilités actives, les piétons, les personnes à mobilité réduite, les cyclistes et autres. Ainsi qu'à travers les différentes rencontres et manifestations qui ont eu lieu dans la ville, comme le pôle mobilité du Forum des associations en 2021, ou les stands de consultation des usagers et des usagères tenus par Paris Ancel Bagnolet, le concours du plus beau mollet de Bagnolet qui a eu lieu lors de la journée sans voiture pendant la semaine européenne de la mobilité en septembre 2022. En effet, la finalité première du plan vélo, c'est l'augmentation de la part modale vélo, c'est-à-dire la part des déplacements à vélo. Cet objectif, donc, ne sera possible qu'avec le plus grand nombre d'entre vous. Elle est aujourd'hui estimée, cette part modale, entre 2 et 3,9% à Bagnolet. La loi LOM d'orientation des mobilités de 2019 enjoint de la porter à 9% en 2024 et 12% en 2030. Alors enfin, un plan vélo, qu'est-ce que c'est au juste ? Le plan vélo est un terme générique qui englobe l'ensemble des outils de programmation et de planification qui permettent de définir les actions à mettre en place à court, moyen et long terme pour améliorer et encourager la pratique cyclable. On parle également de schéma directeur cyclable dont l'objectif est de programmer les investissements dans un plan pluriannuel. Certaines institutions qui cofinancent les plans vélos des collectivités conditionnent l'octroi de subventions à l'existence d'un schéma directeur cyclable et d'un plan triennal approuvé par délibération. C'est donc ce que nous ferons ce soir, si vous le voulez bien. Ce document est donc à la fois stratégique en interne et nécessaire à prouver la volonté de la ville d'investir pour l'augmentation de la part modale vélo. La politique du plan vélo s'articule autour de 8 grandes orientations. La première, c'est communiquer et animer pour promouvoir les modes actifs et doux. J'ai déjà parlé plus haut de diverses manifestations en lien avec le vélo, mais l'on ne communique jamais assez. Savez-vous que la vitesse de circulation est limitée à 30 km/h sur l'ensemble de la ville ? Savez-vous que par conséquent, sauf arrêté contraire, la circulation des vélos est autorisée en double sens sur l'ensemble des voies, en particulier bien sûr sur les rues à sens unique pour la circulation automobile. Savez-vous que les petits panneaux triangulaires M12 autorisent aux cyclistes le franchissement des feux de circulation dans les directions indiquées, dans la mesure où les cyclistes restent attentifs et responsables de leur sécurité ? Deuxième grande orientation, favoriser l'apprentissage du vélo comme mode de déplacement au quotidien. C'est un axe extrêmement important pour les générations à venir. L'accent est mis sur les enfants. Le programme Savoir rouler à vélo, élaboré conjointement par plusieurs ministères, sera mis en œuvre par l'Éducation nationale avec l'appui de la ville pour organiser les infrastructures. Mais nous avons aussi deux vélo-écoles actives à Bagnolet qui accueillent tous les âges et tous les genres. Là encore, c'est important de conforter les femmes, de prendre leur place dans l'espace public. Elles sont notamment et davantage victimes d'emportirage que les hommes. Troisième grand axe, c'est bien sûr réaliser des aménagements cyclables sécurisés dans un schéma de circulation apaisé. Je vais développer cet aspect plus tard. Quatrième axe, déployer les lieux de stationnement vélo plus nombreux, mieux dédiés et plus sécurisés pour tous les usages cyclables, pendulaires, quotidiens, loisirs, vélo-cargo, etc. Cinquième axe, soutenir les services, les bourses à vélo, les recycleries, les ventes professionnelles de vélos neufs et d'occasion, les ateliers de réparation et d'auto-réparation, les réparations itinérantes, etc. Le tissu associatif Bagnoleté est actif, notamment Temps Libre qui anime des bourses à vélo, des ateliers d'auto-réparation, une vélo-école à la cour carrée du parc départemental Jean Moulin-Léguilan, et également la Sardine Bleue, actuellement hébergée temporairement à l'hyperlieu sous la dalle Thorez, qui propose les mêmes animations. Concernant les services, il faut prévoir aussi à long terme de renforcer l'offre de location courte durée de vélos, par Vélib. Le nombre de stations, la part de vélos à assistance électrique. Sixième axe, c'est organiser l'action municipale pour une ville engagée vers les mobilités actives et douces. Donc on a déjà l'indemnité kilométrique vélo pour les agents de la ville. En perspective, la transformation du parc des véhicules municipaux vers des mobilités douces. La sanctuarisation d'heures de travail dans différentes directions concernées pour l'application de la politique du plan vélo. Veiller à un meilleur entretien des équipements, des chaussées, des signalisations cyclables. Alors, un axe important, c'est s'orienter vers un partage plus équilibré de la voirie pour les vélos et les piétons par rapport aux véhicules motorisés et à l'espace dédié au stationnement, avec également un renforcement du contrôle de ce stationnement. Et enfin, une évaluation de la politique cyclable avec un suivi de différents indicateurs des usages et des actions entreprises par la ville, constituer aussi une base de données de connaissances avec un système d'information géographique, une cartographie des aménagements. Pour les aménagements, un diagnostic minutieux et des recommandations ont été élaborés par le prestataire qui accompagnait la ville dans ce plan vélo, la société Covadis. Je veux préciser les principes d'aménagement qui ont été suivis. Donc, aller vers un plan de circulation et de hiérarchisation plus favorable et incitatif pour les modes doux, les circulations locales et les transports publics, en lien avec la baisse des trafics routiers. Cet enjeu est développé en cohérence avec la politique de stationnement et les plans de circulation qui sont parallèlement mis en place dans la ville. Développer des itinéraires cyclables traversants, continus et sécurisés sur le territoire en connexion avec l'extérieur. Déployer des aménagements cyclables plus sécurisés et cohérents avec les fortes pentes de Bagnolet. Veiller à un meilleur entretien des équipements, des chaussées, des signalisations cyclables. S'engager dans une vraie ville à 30 km/h avec des aménagements de l'existant, l'application systématique des aménagements cyclables réglementaires en lien avec ces 30 km/h. Et aussi en conformité avec le plan local de mobilité que Est Ensemble déploie. S'impliquer en premier lieu sur les axes et carrefours les plus insécuritaires. Donc un travail de collaboration et d'articulation avec le département doit être mené, il est déjà en place. Renforcer, homogénéiser et mettre en conformité les signalisations cyclables horizontales et les signalisations de police. Donc les marquages réglementaires, les bandes, les pictos vélos, les sas vélos, les panneaux de police. Et enfin, donc, développer plus systématiquement les doubles sens cyclables. En 2023, l'accent est mis sur les carrefours les plus dangereux et la mise en cohérence des doubles sens cyclables les plus empruntés. Vous avez peut-être identifié le marquage réalisé dans la partie haute de la rue Jules Ferry. Donc, une nouvelle carte de l'état des aménagements cyclables actuels sera publiée. Elle est disponible en page 28 des planches du plan vélo. Les projets d'aménagement sont phasés selon des objectifs. Deux cartes indiquent les projets d'aménagement à court terme, c'est la planche 53, puis à moyen terme, la planche 57. Voilà. Concernant les moyens planifiés par la ville pour déployer sa politique, donc pour l'investissement, il s'agit de 200 000 euros planifiés au plan pluriannuel d'investissement à partir de 2024. 50 000 euros en 2023. Il faudra y ajouter des budgets de fonctionnement, comme le soutien aux services de location courte durée de notre abonnement au syndicat Vélib, des heures de travail des agents de la ville pour mettre en selle ces politiques, l'indemnité kilométrique vélo en faveur des agents, des budgets pour la communication, l'animation, l'entretien de la voirie, etc. Voilà, encore une fois, le plan vélo ne pourra avoir lieu que si il est partagé par toutes et tous. Mais déjà, je vous propose de réagir et de voter. Merci. Des remarques, Madame Desbancy. Oui, je vais faire court parce que Edith Félix a présenté longuement le document qui est remarquable. Là, je pense qu'on est tous d'accord ce soir pour dire que c'est une bonne nouvelle. C'est un document. Alors, ce n'est qu'un document, mais ça veut dire ce document. On suppose, on vous fait confiance, il traduit, on sait la façon dont vous l'avez porté, une véritable volonté politique. Et c'est un outil qui permettra une mise en œuvre, enfin qui a déjà commencé, mais d'accélérer sur la mise en œuvre, parce que si on regarde attentivement ce document, il traduit quand même d'une part l'augmentation de la part des bagnoletaises et des bagnoletaises qui utilisent leur vélo pour se déplacer à Bagnolet. Donc je crois que c'était, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'il y a une augmentation, je crois qu'aujourd'hui c'est 4,5% de déplacement, c'est ce qu'on appelle la part modale, c'est supérieur à la moyenne nationale et surtout c'est en augmentation depuis un certain nombre d'années. Alors je crois que la ville qui fait le mieux en la matière, ça doit être Strasbourg ou Grenoble avec 7 ou 8%. Donc je crois que Edith, tu disais que l'ambition de Bagnolet c'était d'atteindre les 9% dans quelques années, donc on a un outil qui permettra d'y travailler. Il y a trois remarques complémentaires. Simplement, on a noté dans ce plan vélo un chiffre qui peut paraître surprenant, c'est que finalement la plupart des déplacements ici se fait pas en voiture. C'est une bonne nouvelle, c'est le bus. C'est 60% des administrés, des bagnoletaises et des bagnoletais qui se déplacent en utilisant le bus. Et pourtant, quand on est dans Bagnolet, on a quand même ce sentiment De voir un espace public qui est complètement envahi, pardonnez-moi, par la bagnole. Voilà. Donc ça, c'est quand même, je pense, que c'est le principal défi auquel il va falloir faire face. C'est redonner aux piétons et aux cyclistes davantage de place. Donc ça veut dire, évidemment, c'est un chantier aussi qui est extrêmement sensible et très politique. C'est supprimer des places de stationnement progressivement, amener à... C'est pas un chantier simple, mais en tout cas, il va falloir redonner de l'espace aux piétons et aux cyclistes, en sachant que finalement, l'utilisation de la voiture décroît et ce n'est pas le mode de circulation prioritaire. Un autre élément important, c'est la forte accidentologie des cyclistes. Il n'y a que 4% des usagers qui font du vélo, et pourtant, ils représentent 12% des accidents de la circulation. Donc, c'est tout à fait important, ce qui veut dire aussi qu'on a une ville, un espace public qui est beaucoup trop accidentogène. Et puis le dernier point, mais tu l'as dit, c'est évidemment que pour faire du vélo, il faut ne pas avoir peur. Et ne pas avoir peur, ça veut dire qu'il faut des aménagements cyclables sécurisés. Il n'y a que 2%, il n'y a que, pardon, 2 km de vraies pistes cyclables. Il y a beaucoup de bandes cyclables. Je sais que les doubles sens, c'est à la mode, mais ça reste quand même plus accidentogène qu'une vraie piste cyclable. Donc il y a un vrai... de véritables aménagements à mettre en place. Alors après, sur la partie budgétaire, financière, je ne sais plus combien vous avez budgété, je crois que c'est jusqu'à la fin du mandat, c'est 600 000 euros, c'est ça ? à peu près. Donc évidemment, c'est le nerf de la guerre. On vous fait confiance pour... j'ai vu qu'il y avait 200 000 euros à partir de l'année prochaine. Donc que les investissements qui sont annoncés ce soir soient réalisés, soient tenus. Voilà, mais évidemment, on va voter pour. Merci. D'autres remarques ? Anne de Rugy. Oui, merci, monsieur le maire. Je voudrais remercier... pour tout le travail qui a été effectué sur ce plan vélo. C'est la deuxième fois qu'on a une délibération, on a eu le diagnostic et maintenant le plan. Il me semble que c'est très, très positif parce qu'on sait que Bagnolet, et je dirais d'une manière générale, la Seine-Saint-Denis est malheureusement en retard sur les réseaux cyclables. Donc là, c'est très positif qu'on ait un plan cohérent. D'autant plus qu'effectivement, le trafic est en augmentation. On le voit de manière assez sensible dès qu'on passe le périph le matin. Moi, je suis plus piétonne actuellement que cycliste, mais je pense que ces circulations douces et non motorisées vont ensemble. Une cohérence globale importante, je pense, avec l'ensemble, enfin un travail d'ensemble sur la ville, qui est d'apaiser la ville, d'augmenter les rues piétonnes, parce que des rues piétonnes sont aussi des rues facilement cyclables, faire des expériences, c'est cité, de rues des écoles, tout ça me semble très positif. Je voudrais insister sur deux points qui sont dans le diagnostic et peut-être moins dans les propositions. Le premier point, c'est la vitesse en ville et l'abaissement de la vitesse, puisqu'on a effectivement une ville à 30 km/h, mais ce n'est pas le cas partout. Ça me semble être vraiment une priorité, parce que c'est valable. Donc, il y a les aménagements cyclables, hein, je suis tout à fait d'accord que la continuité des aménagements cyclables, c'est quelque chose qui va sécuriser les trajectoires en vélo, mais la vitesse ralentie, ça sécurise aussi beaucoup les piétons et les cyclistes. Je pense par exemple à la rue du Maréchal Leclerc, la rue du Général Leclerc, plutôt, où, effectivement, c'est une rue large, et donc où la vitesse est assez, me semble, dépasser souvent les 30 km/h, et rendre à la fois les traversées piétonnes dangereuses et les montées et descentes cyclistes également difficiles. Je prends cet exemple peut-être parmi d'autres. Et la deuxième chose, je pense que c'est tout à fait dans le sens du plan vélo, c'est vraiment les jonctions, quoi, les carrefours, dès qu'on arrive du pont, dès qu'il y a des traversées, c'est là que le cycliste se sent insécurisé. Là, je parle aussi pour moi. Et donc, ça me semble très positif d'aller dans ce sens-là. Et de travailler globalement sur la sécurisation et l'apaisement des circulations douces en ville. Merci. Merci Anne. D'autres interventions ? Je vous propose de passer aux voix. Oui ? Oui. Juste, je rebondis rapidement sur ce que vient de dire Anne. En effet, j'apprécie beaucoup le travail qui a été fait avec les usagères et les usagers. Il y a une grande cohérence entre les aménagements qu'on peut faire pour les piétons et ce qu'on peut faire pour les cyclistes. Et ça, je crois que nos usagers de Bagnolet l'ont magistralement bien compris. Et c'est très agréable de travailler pour eux et avec eux sur ces aspects-là. Oui. Juste une question, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez commencé par ça et dites de mémoire, de l'importance de la communication. C'est-à-dire l'importance d'informer les gens du partage de l'espace et de son importance. Est-ce que vous avez prévu, à l'intention des automobilistes cette fois-ci, et pas des cyclistes, une communication particulière pour expliquer le mode de fonctionnement peut-être qui va évoluer par conséquent à Bagnolet grâce à ce plan ? Est-ce qu'il est prévu une communication, encore une fois, plus générale ? Tout simplement. Oui, alors c'est une des actions qui font partie du plan. Et effectivement, ce que je pense qu'on pourrait faire, c'est, à l'instar d'autres villes, peut-être communiquer un petit peu sur le vote de ce plan des vélos et justement prendre bien en compte le fait que ça ne s'adresse pas qu'aux cyclistes, mais ça s'adresse aussi aux automobilistes pour les informer, comme j'ai essayé de le faire ce soir, hein, d'ailleurs, des différentes... usage que ça change, voilà. Non, parce qu'on connaît un petit peu. Les habitudes sont difficiles à perdre aussi. On le voit par rapport à la rue Salicarnot ou à toute la mise en place qui avait été faite d'ailleurs à la sortie du Covid. Quand on avait essayé de faire une première mise en place de circulation possible pour les cyclistes, ça avait été très très peu respecté par les bagnoletais qui remontent toujours la rue Sadi-Carreau de la même façon. Même si on a un panneau sans interdit à l'entrée de cette rue, les panneaux ne suffisent pas. La signalisation ne suffit pas. Je pense qu'il faut l'accompagner d'une volonté plus claire et au moins de communication. Le Bajomax, c'est une solution, mais je pense que des panneaux autres que des panneaux classiques, c'est les messages. Il faut faire passer les messages. Voilà, c'est le seul message que moi je veux faire passer ce soir. Merci. Et bien entendu, ce plan, on l'a attendu et on est très content de l'avoir enfin aujourd'hui. Voilà. À faire en sorte effectivement de bien communiquer sur ce que contient et comprend ce plan vélo. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Je propose de passer au voix qui est pour. Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante, calcul du quotient familial, application d'une demi-part supplémentaire pour les familles monoparentales. Donc il s'agit de, comme l'objet l'indique, de délibérer sur l'ajout dans le dispositif qu'on a mis en place l'an dernier, d'une demi-part supplémentaire pour les familles monoparentales dans un souci de justice sociale. Ça me paraît juste. Et cohérent, parce que ça appelle des observations. Monsieur Jamais. Juste pour dire que, comme vous venez de le dire, c'est une mesure de justice sociale, donc on votera pour. Édouard de Noël. Oui, un élément complémentaire. Lorsque nous avons vu, il y a quelques mois de ça, ici même, la tarification d'un certain nombre d'activités périscolaires, il nous avait été reproché, notamment... pour le rééchelonnement de la tarification de cantine, de vouloir faire une mesure financière. Donc on a expliqué que ça n'était pas le cas. Et je pense qu'un dispositif comme celui-ci, qui est à saluer, qui existe à Montreuil et qui sera adopté à Bagnolet, montre que la recherche n'est pas une mesure financière, mais bien d'avoir des mesures de justice sociale et de réétalement, d'ailleurs, sur la grille des revenus de chacun. Pour pouvoir porter l'effort collectivement. La réforme précédente était à isopérimètre, celle-ci permet d'introduire cette mesure de justice sociale. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Je vous propose de passer au voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Approbation de la convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Bagnolet et la mission locale et nouveau statut de la Mielle. Manon Chrétien. Merci. En avril dernier, on avait voté la subvention allouée à la Miège, donc la mission intercommunale pour l'emploi des jeunes, d'un montant de 95 000 euros. Sauf que depuis, il y a eu une réorganisation au sein de la Miège qui rencontre des difficultés administratives et de gestion. Du coup, Est Ensemble fait partie prenante maintenant des membres du comité d'administration. La présidence est donc gérée par M. Bessac également. Et nous avons mis en place ce que nous souhaitions depuis 3 ans, c'est-à-dire de mettre, d'uniformiser les montants des subventions selon la gestion de chaque ville, c'est-à-dire qu'une ville de Montreuil va accompagner beaucoup plus de jeunes que Bagnolet. Et néanmoins, les subventions qui étaient allouées étaient assez similaires. Donc là, il y avait trop de disparités. Donc, au lieu de verser 95 000 euros, on abroge en fait l'octroi de cette subvention de 95 000 euros pour une subvention de 71 936 euros exactement. Donc, ce soir, on vous demande d'approuver ce montant, mais également la nouvelle convention et les nouveaux statuts qui nous lient à la Miège. Merci, Manon. Certaines. Des remarques, des observations ? Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, avenant de prolongation du contrat local de santé pour les années 23-24. Grégoire de la Gannerie. Oui, merci, monsieur le maire. Peut-être un petit point rapide. Comme Je m'y étais engagé sur le centre municipal de santé, donc il y a eu un recrutement d'un médecin généraliste spécialisé en gynécologie début juin, donc il vient d'arriver, donc ça c'est une très bonne nouvelle. On poursuit également le partenariat avec les Floralies pour faire des consultations avancées de spécialistes, et puis on remet en marche l'échographe pour pouvoir faire des suivis de grossesse. Donc voilà, et par ailleurs, on a bon espoir pour que le centre municipal de santé accueille aussi la coordination de la communauté professionnelle territoriale de santé, donc avec les Lilas, Romain Villet et le Président Gervais. Et donc voilà, c'est des bonnes nouvelles qui dynamisent le centre et donc avec qui on a la volonté de créer un projet de santé extrêmement fort. Sur le contrat local de santé, donc qui inclura forcément le centre municipal de santé, donc l'idée c'est de prolonger ce contrat local pour attendre notamment les directives régionales sur les priorités en santé qui doivent être publiées très prochainement. Donc l'Agence régionale de santé nous a demandé de prolonger ce contrat local de santé dans l'attente de ces directives. On va profiter de ce délai pour mettre en place notamment une consultation pour pouvoir identifier les besoins de la population et adapter le contrat local de santé aux besoins et aux aspirations de la population en termes de santé. Donc voilà, il est demandé d'approuver cette prolongation. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Stalen? Non, juste une petite remarque, pas par rapport à ce que vous venez de dire, mais par rapport au fait que vous preniez la parole. Et j'aimerais revenir sur la mutuelle de santé. Est-ce que vous avez des chiffres sur les premières personnes pouvant bénéficier de ce service? On a un très bon démarrage, donc on est à plus de 200 personnes couvertes. Donc c'est voilà, et là on continue la tournée, puisque après la tournée au sein des... Comment 200 personnes couvertes, oui. En gros, l'objectif dans ces mutuelles, souvent, c'est 1% à 2% de la population. C'est ce qu'on a montré, ce qu'on constate à Romainville. En tout cas, voilà, on est au plus au début de la promotion du dispositif. Donc là, à la fin de ce mois, on est dans tous les centres socioculturels. Donc on présente la mutuelle de 14h à 16h. Donc il y aura des informations. Mais en tout cas, voilà, je le dis aussi. Donc on est toujours dans la promotion de ce dispositif. Voilà, je pense qu'il faut qu'on aille aussi dans les marchés, dans les, voilà, et puis je vous invite à faire la promotion, parce que c'est vrai que quand on en parle et quand les gens entendent la qualité des contrats et également la qualité des, enfin, le niveau des primes rapporté à la qualité des contrats, c'est vrai qu'on est quand même sur des contrats qui sont extrêmement intéressants. Donc voilà, donc on est sur un bon démarrage d'après la mutuelle familiale qui est habituée de ces dispositifs, et on poursuit voilà, les efforts pour promouvoir le dispositif. Merci. D'autres remarques? Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante. Mise en place des petits déjeuners pour les classes de grande section CP, CM2 dans les écoles maternelles et élémentaires de Bagnolet. Donc, ces petits déjeuners ont eu lieu. Édouard de Noël. Oui, merci. Donc, maintenant, vous y êtes habitués, il s'agit de la reconduction pour la troisième année de suite d'un dispositif dit petit déjeuner. Et ce qui vous est proposé, c'est d'approuver cette convention qui lie la ville et l'État et l'éducation nationale, donc, puisque c'est elle qui finance le dispositif à hauteur d'un peu plus de 10 000 euros. Il y a derrière ce dispositif un double objectif, l'un de lutte contre la grande pauvreté et l'autre d'éducation alimentaire. Donc, comme l'a dit Monsieur le maire, ce sont les classes de grande section CP et CM2 qui ont pu bénéficier cette année de six séances de petits déjeuners qui sont écoulées de la mi-mai à la mi-juin, jusqu'à ce matin d'ailleurs pour les classes de grande section. C'est la dernière occurrence. Et la nouveauté cette année, c'est que les menus des petits déjeuners, ces menus équilibrés, ont été validés en commission des menus par les membres de la commission, c'est-à-dire pour l'essentiel des parents d'élèves élus. Et un petit mot quand même pour remercier les agentes et agents de la cuisine centrale, les agents des écoles, les personnels ATSEM, personnels de service, qui de facto, avec cette opération, ont un surcroît de travail, et donc qu'ils en soient remerciés, parce que c'est une opération qui s'est bien déroulée. Madame Solène Le Bourris, ensuite Monsieur Stalens. Oui, bonsoir. Effectivement, c'est un très bon dispositif. Cependant, comme il y a une collaboration avec l'éducation nationale, je m'étonne qu'il n'y ait pas un travail beaucoup plus étroit avec les membres de la circonscription ou le milieu enseignant. Donc il y a des parents d'élèves, les parents élus, c'est très bien, mais je pense qu'il serait peut-être plus souhaitable d'élargir pour le mettre en plus en en cohérence avec les programmes de l'éducation nationale, puisque évidemment le bien manger et travailler en classe. J'aimerais aussi aborder la qualité de ce qui est proposé aux enfants, et notamment il y a encore trop d'emballages plastiques. Donc je l'avais déjà signifié l'année dernière, je le rappelle cette année, si on pouvait vraiment travailler sur ce sens-là. Et puis c'est vrai qu'on est loin quand même des petits déjeuners nutritionnels pour justement permettre aux enfants de bien manger et de manière plus équilibrée. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail à approfondir de ce côté-là. Merci. Monsieur Salens. Si je rejoins un petit peu ce que vient de dire Solène, c'est en lien par rapport à la qualité, c'est une très bonne initiative, on ne peut que la souligner et vous en remercier, et s'en réjouir en tout cas. Mais qui va fournir ces petits déjeuners, la Sodexo? Cet organisme dont on se plaint beaucoup pour les autres repas, j'ai un souci de qualité, Solène vient de le dire, vient de le rappeler, les emballages plastiques bien évidemment. Sodexo, ils sont pas forcément très, très exemplaires dans ce domaine, en tout cas. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les enfants et pour les parents en difficulté, mais essayons de faire un effort sur la qualité. Voilà. Monsieur Stalin, soyez patient, vous verrez. Édouard de Noël. Alors, quelques éléments sur l'aspect pédagogique. On ne va pas se substituer à l'éducation nationale. Et c'est donc à l'inspecteur de circonscription et ses équipes de décider, en coordination avec les enseignantes et les enseignants, la façon de mener ces moments, et ça n'est pas à la municipalité de se substituer pleinement à ça. Concernant la qualité, vous avez raison sur la partie emballage, clairement. Bon, pour des raisons de conditionnement notamment et de livraison, c'est difficile de faire autrement. On aimerait tous que les enfants aient un bol de lait, des petites cuillères, etc. C'est compliqué à faire, ne serait-ce que d'un point de vue matériel. Mais vous avez raison, ça fait partie du cahier des charges pour l'année prochaine. D'encore réduire, il y en avait moins cette année, mais il y en a trop encore. Et là-dessus, vous avez raison. Alors, sur la qualité des produits, quand les cajots de pommes arrivent des vergers parisiens, ce n'est pas la Sodexo, enfin, je me permets de le redire quand c'est même. Une question, oui, non, non, mais parce que on devrait peut-être mieux communiquer sur, notamment sur la partie fruits, sur la partie produits céréaliers. Mais ce ne sont pas des produits estampillés Sodexo, je puis vous l'assurer. Est-ce qu'il y a d'autres observations, Solène? Je suis confuse parce que j'ai jamais évoqué le fait que vous substituez à l'éducation nationale. Je pense que je serais très mal placée en plus pour le dire. Je parlais de collaboration justement pour aller dans le sens de ce que vous venez de proposer à nouveau ce soir. Je pense que cette idée est intéressante, qu'une étroite collaboration, puisqu'en plus il y a une collaboration déjà avec l'éducation nationale, parce que, sauf erreur de ma part, il me semble qu'il y a une subvention quand même qui vient de l'État. Donc c'est pour ça que j'ai mentionné... C'est une opération financée. Par l'État. Voilà, c'est pour ça que je parlais de collaboration et pas de substitution. Pardon, je comprends mieux. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. L'ordre du jour est épuisé. Nous avons un vœu déposé par la majorité municipale concernant la gestion de l'eau. Jean-Claude. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc ce vœu présenté par les quatre groupes de la majorité municipale répond à deux questions d'actualité. La première question, c'est les pesticides. Vous avez vu ces dernières semaines, il y a eu de très nombreuses alertes qui concernent l'eau, mais qui ne concernent pas que l'eau, qui concernent l'alimentation, qui concernent l'air, qui concernent les sols. À chaque fois, on constate l'omniprésence. La contamination généralisée de notre environnement aux pesticides. La deuxième question d'actualité, c'est un débat public qui a lieu en ce moment, qui est organisé par la Commission nationale du débat public, et donc qui a lieu jusqu'au 20 juillet, sur un projet du CEDIF, du syndicat des eaux d'Île-de-France, dont vous savez que notre territoire, la ville de Bagnolet et le territoire d'Est-Ensemble sont sortis. Et donc ce projet... c'est la généralisation de l'osmose inverse basse pression. En deux mots, l'osmose inverse basse pression, c'est un procédé qui est un peu l'équivalent de la désalinisation de l'eau de mer. Mais là, appliqué à l'eau douce, c'est-à-dire qu'on fait passer à travers des membranes très fines et sous pression l'eau douce, l'eau brute, et d'un côté, on récupère une eau encore plus douce et encore plus pure, et de l'autre, on récupère un concentrat avec tous les polluants. Cette eau, elle est tellement douce et pure qu'elle n'est plus potable parce qu'elle est déminéralisée, et donc il faut la mélanger avec une autre eau qui n'a pas subi le même traitement pour la reminéraliser, pour qu'elle soit potable. Et de l'autre côté, le concentrat de polluants est rejeté dans les cours d'eau, donc la Seine, la Marne et l'Oise. Ce projet pose, outre ça, pose plein de questions parce qu'il est très énergivore. On multiplie par deux la consommation d'énergie des usines de production d'eau potable. Imaginez ça si c'était fait à l'échelle nationale. On a combien de centrales nucléaires il faudrait pour répondre à ce besoin. On augmente le prélèvement d'eau pour produire d'eau brute dans les cours d'eau pour produire la même quantité d'eau potable. Et donc, il y a cette question des rejets polluants. Et enfin, il y a une facture très importante pour les usagers, puisque les usagers verront leur facture bondir au moins de 25%. Donc voilà, ce projet donne une fausse sécurité et c'est plutôt un permis de polluer pour continuer à rien faire et à ne pas s'attaquer aux pollutions qui, je disais, sont générales dans notre environnement. Donc voilà, le sens du vœu, c'est de demander deux choses. C'est de demander d'une part au CEDIF d'abandonner ce projet qui finalement aggrave la situation et la pollution de nos cours d'eau. Et de demander aussi au gouvernement, hein, vous savez qu'il y a des maires qui avaient fait des arrêtés anti-pesticides, ils ont été déboutés. Donc nous, on pense que maintenant, c'est le gouvernement, il doit agir, il doit prendre ses responsabilités. Et notamment, deux mesures, c'est qu'on interdise rapidement les pesticides tout autour des champs de captage d'eau, voilà, pour la production d'eau potable, et qu'on facilite l'installation, la transition des agriculteurs qui sont dans ces zones, vers le bio et vers l'abandon des pesticides. Merci Jean-Claude. Des remarques, des interventions? Je propose de passer aux voix. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Rendez-vous le 6 juillet.